Paul la reine, la chèvre d'or, sixième partie, chapitre 26. Perplexité sentimentale. Resterai-je? Ne resterai-je pas? Dois-je écouter les prudents conseils de patron Ruff ou m'obstiner à la poursuite d'un trésor peut-être chimérique? L'alternative me rend perplexe. Si je quitte le Puget Mort, j'aurai l'air, et cela m'offense, de redouter Galfard, de fuir devant ses menaces. Mais je me sens médiocrement fière quand je songe au rôle de comédie que, dans le cas contraire, il me faudrait jouer. Me voit-on d'ici par intérêt? Eh oui, par intérêt, puisque la fortune est au bout, feignant une affection que je n'ai pas pour mademoiselle Norette. Je me rappelle avec quel sentiment de pitié, mêlé de mépris, il m'est arrivé jadis de considérer dans ce qu'on appelle le monde des gens, honnêtes au demeurant, qui n'auraient pas menti à un homme et qui se mentaient à eux-mêmes impudemment pour se prouver qu'ils aimaient d'amour quelque insignifiante fillette dont ils ne désiraient guère que la dot. Et ils finissaient, les malheureux, par se croire épris, comme font ces pleureuses gagées qui, se grisant de leurs propres cris, s'attendrissant par leurs propres plaintes, arrivent à verser de vraies larmes sur la fosse d'un mort qu'elles n'ont pas connu. Il me répugnerait d'agir ainsi, bien qu'après tout, avec mademoiselle Norette, maîtresse et gardienne de la chèvre d'or, mon cas est je ne sais quoi d'agréablement chevaleresque. Mais hélas, comme en peu de temps les choses s'emparent de vous. Me voici tout triste maintenant, à la seule idée de partir, de laisser ce village et ses tortueuses ruelles. Cette vieille maison devenue mienne, ce pavé de l'âne dont les galets pointus depuis quelque temps me semblaient doux. Et Miséjano, qui m'apparut dans le vallon, bondissante, surnaturelle, pour me souhaiter la bienvenue. Et Monsieur Honora, et Saladine. Je n'ose pas ajouter, et mademoiselle Norette, par crainte de voir trop clair en moi. Car elle est charmante, décidément, mademoiselle Norette. Avant le dîner d'hier, je ne l'avais jamais regardée, et je n'aurais su dire si ses yeux étaient noirs ou bleus. Ils sont noirs, d'un noir de velours noyé d'ombre, un peu alangui par exemple, et doucement mélancolique. Des yeux d'esclave heureuse qui se serait volontairement donnée. La belle Scheherazade devait avoir ces yeux-là. C'est bien de l'honneur que me fait Galfard en me jugeant digne d'être remarqué par deux yeux pareils. Pourtant, je ne me suis jamais guère mise en frais pour leur plaire. Galfard non plus, d'ailleurs. Singuliers galants que nous sommes, aussi mal vêtus l'un que l'autre, faits tous deux comme des brigands, et sa veste en velours à côtes n'a pas à redouter la comparaison avec ma jaquette de gros cadis. N'importe, béni soit Galfard. Sans Galfard, sans ses jalousies, j'ignorerais encore Norette. Norette, comme il serait bon et savoureux d'avoir à soi tout seul, cette âme neuve. Je me sens au cœur une sensation de délicieuse fraîcheur, sensation presque physique, en me rappelant sa rougeur ingénue quand je lui offris le bouquet et le subit frémissement de sa petite poitrine passionnée. S'imaginer qu'on vous aime est le commencement de l'amour. Norette m'aimant, il me semble que je ne pourrais m'empêcher d'aimer Norette, mais comment savoir? Je crois avoir trouvé le moyen. patron Ruff s'en retourne demain. Je me mettrai en route avec lui, ainsi que la loyauté l'ordonne. Mais si mademoiselle Norette s'obstinait à me retenir, si elle avouait... Alors, dame, je n'aurais qu'à laisser faire le destin. Ma conscience serait tranquille. On ne peut pourtant pas tenir rigueur à une enfant aimable et qui vous aime uniquement sous le prétexte qu'elle peut être l'héritière d'un roi de Majorque et de ses trésors.